les phoques et les pingouins ne vont jamais au coin, puisque dans les igloos il n'y a pas de coin, coin, coin, puisque dans les igloos il n'y a pas de coin, coin, coin. On tourne, tourne, tourne, on se donne la main, on tourne, tourne, tourne du soir jusqu'au matin. Les phoques et les pingouins se tiennent par la main, puisque dans les igloos on ne voit rien, rien, rien, puisque dans les igloos on ne voit rien, rien, rien. On ne sait pas voler, mais nous savons marcher. On tendine, on tendine les bras écartés. Les phoques et les pingouins secouent leurs popotins, puisque sous les igloos ils prennent leur bain, bain, bain, puisque sous les igloos ils prennent leur bain, bain, bain. On se retrouve enfin pour frapper dans les mains. Les phoques et les pingouins sont des petits coquins. Ouais!